Chapitre 3e. 10 jours plus tard, M. Sellers, toujours retenu à la chambre par la goutte, pria Waythorn de passer chez lui en allant à ses affaires. Le chef de l'association, assis au coin de la cheminée avec son pied bandé, salua son visiteur d'un air embarrassé. « Mon cher, je suis désolé d'être obligé de vous demander un service gênant. » Waythorn se tut, et l'autre reprit, après un silence pendant lequel il cherchait visiblement à préparer ses phrases. « Le fait est que, lorsque je suis tombé malade, j'avais entrepris une affaire assez compliquée pour Gus Varick. » « Oui, et après ?» dit Waythorn en voulant le mettre à l'aise. « Eh bien, voici ce qui s'est passé. Varick est venu me trouver la veille du jour où j'étais pris par cette crise de goutte. Il devait avoir eu quelques bons tuyaux, car il avait précisément gagné environ 100 000 $. Il vint me demander mon avis, et je lui conseillai de s'adresser à Vanderlyn. « Ah, diable !» s'écria Waythorn. Il comprit en un clin d'œil ce qui s'était passé. L'affaire était tentante, mais exigeait des négociations. Il écouta avec calme Sellers qui lui expliquait la situation, et lorsque ce dernier eut terminé, il demanda « Vous croyez que je devrais voir Varick ?»« Je ne pense pas que je puisse le voir encore moi-même. Le docteur est inflexible sur ce point et cette affaire ne peut attendre. Il m'en coûte de vous demander ce service, mais au bureau vous êtes le seul à connaître la chose à fond. » Waythorn resta un instant silencieux. Il lui importait fort peu que Varick fît de bons placements. Mais il fallait aussi penser à la réputation de la maison Sellers Waythorn, et il trouvait difficile de refuser à son associé le service qu'il lui demandait. « Très bien, » répondit-il, « je le verrai. » Dans l'après-midi de ce même jour, Varick, appelé par téléphone, courut au bureau. Waythorn, l'attendant dans son cabinet, se demandait ce qu'en pensaient les jeunes clercs. Au moment de son mariage, les journaux avaient appris au public tous les détails des précédentes mésaventures conjugales de Mrs. Waythorn. Elle se rendait compte des sourires qu'esquisseraient les visages des jeunes gens en introduisant Varick dans son cabinet. Varick se comporta à merveille. Il paraissait à l'aise, sans pour cela manquer de dignité, et Waythorn avait conscience de faire lui-même moins bonne contenance. Varick n'ayant aucune habitude des affaires, l'entretien dura environ 1 heure, pendant laquelle Waythorn lui expliqua avec une précision scrupuleuse tous les détails de la transaction proposée. « Je vous suis infiniment reconnaissant, » lui dit Varick en se levant. « Le fait est que je ne suis guère habitué à manier de grosses sommes d'argent, et je ne veux pas me laisser dindonner. » Il sourit, et Waythorn fut obligé de reconnaître la bonhomie de ce sourire. « Il me paraît assez singulier et agréable de pouvoir payer comptant ce que je dois, » continua Varick. « J'aurais vendu mon âme il y a quelques années pour avoir cette chance-là. » Cette allusion fit tressaillir Waythorn. Il avait bien entendu raconter qu'une des causes principales du divorce des Varick avait été un manque d'argent. Mais cependant, il ne lui semblait pas que Varick eût prononcé ces paroles avec intention. Il lui paraissait plus naturel d'admettre que le simple désir d'éviter la question délicate l'avait conduit à cette phrase ambiguë. Waythorn ne voulut pas se montrer en reste de politesse. « Nous ferons de notre mieux pour vous aider, » dit-il. « Je vous crois engagé dans une excellente affaire. »« Oh, j'en suis convaincu, et je vous remercie infiniment. » Varick s'arrêta, embarrassé. « Je pense que la chose est réglée maintenant, mais si... »« S'il arrive quoi que ce soit avant la rentrée de Sellers à son bureau, je vous reverrai moi-même, » répondit tranquillement Waythorn. Il n'était pas fâché, en fin de compte, de paraître le plus à l'aise des deux. La maladie de Lily suivait tranquillement son cours, et à mesure que le temps s'écoulait, Waythorn s'habituait à l'idée de la visite hebdomadaire de Haskett. La seconde fois, il était resté dehors très tard et à son retour, il avait questionné sa femme sur cette visite. Elle répondit aussitôt que Haskett s'était borné à voir la garde en bas, ne permettant à personne de pénétrer dans la chambre de l'enfant avant la fin de la période d'ascension de la fièvre typhoïde. La semaine suivante, Waythorn se souvint le matin du jour fixé pour la visite paternelle, mais il n'y pensait plus en rentrant dîner. L'enfant parvint quelques jours plus tard à la période de déclin. La fièvre diminua sensiblement, la petite malade fut considérée comme hors de danger et en pleine voie de convalescence. Dans la joie de cette résurrection, Waythorn oublia totalement les visites de Hasket et une après-midi en rentrant chez lui, il se rendit directement à la bibliothèque sans remarquer dans l'antichambre un parapluie et un chapeau défraîchi. Il trouva dans la bibliothèque, assis au bord d'une chaise, un petit homme tout à fait quelconque avec une barbiche grise et rare. L'étranger aurait pu être un accordeur de piano ou quelque employé subalterne préposé à l'entretien de la maison. Il regarda Waythorn à travers ses lunettes d'or et dit doucement « Monsieur Waythorn, je pense. Je suis le père de Lily. » Waythorn rougit. « Oh » balbutia-t-il, fort gêné. Il s'arrêta, ne voulant pas paraître mal élevé. Intérieurement, il cherchait à faire concorder le Hasket actuel avec l'image qu'il s'était figurée du premier mari de sa femme. Il se l'était représenté, d'après quelques mots d'Alice, comme un homme dur et violent. « Je regrette de m'imposer ainsi, » reprit Hasket, avec une politesse de petit boutiquier. « Inutile de vous excuser, » reprit Waythorn, se ressaisissant. « Je suppose que la garde est prévenue. »« Je le pense. Je puis attendre, » dit Hasket. Il parlait sur un ton résigné, comme si la vie avait usé sa force de résistance. Waythorn restait sur le seuil de la pièce, ôtant ses gants nerveusement. « Je regrette qu'on vous ait fait attendre, » répliqua-t-il. « Je vais envoyer chercher la garde. » Et comme il ouvrait la porte, il ajouta avec un effort, « Je suis content que nous puissions vous donner de bonnes nouvelles de Lily. » Il glissa sur le mot « nous » que Hasket ne parut pas remarquer. « Merci, monsieur Waythorn. Cela a été en effet pour moi une grande préoccupation. » « Enfin, ce cauchemar est passé maintenant. » Et Lily sera bientôt en état d'aller vous voir. » Waythorn salua et sortit. En entrant dans sa chambre, il se jeta dans un fauteuil en soupirant lourdement. Cette sensibilité presque féminine, qui lui était naturelle et le faisait souffrir profondément des circonstances de la vie, lui était odieuse. Il savait bien, en se mariant, que les précédents maris de sa femme étaient de ce monde. Il savait qu'avec les contacts si fréquents de l'existence moderne, il avait 100 chances contre une de rencontrer l'un ou l'autre, et cependant, ce rapide tête-à-tête avec Hasket le bouleversait autant que si la loi n'avait pas aimablement aplani pour eux tous les embarras d'une rencontre. Waythorn bondit tout d'un coup de son siège et se mit à arpenter sa chambre. Il n'avait certainement pas autant souffert de ces deux rencontres avec Varric. C'était sans doute la présence de Hasket dans sa propre maison qui rendait la situation intolérable. Il s'arrêta en entendant des pas dans le corridor. « Par ici, monsieur, s'il vous plaît, » disait la garde. Alors on conduisait Hasket là-haut. Tous les coins de sa maison lui étaient ouverts. Waythorn s'affaissa dans un autre fauteuil, regardant devant lui dans le vide. Sur la table de toilette était une photographie d'Alice, faite au moment où il avait commencé à la connaître. Elle était alors Alice Varric, et comme il voyait en elle une créature fine et exquise. Elle portait au cou les perles de Varric, ces perles que, sur les instances de Waythorn, elle lui avait rendues avant son mariage. Hasket lui avait-il donné des bijoux? Et dans ce cas, qu'était-il devenu? Se demandait Waythorn. Il ne connaissait rien de la situation passée et présente de cet homme, mais d'après son apparence et sa manière de parler, Waythorn pouvait reconstituer avec assez de précision les débuts du premier mariage d'Alice. Et il se rendit compte avec un tressaillement pénible qu'il y avait, à l'arrière-plan de son existence, une page de sa vie toute différente de celle où il l'avait rencontrée pour la première fois. Varric, quels qu'étaient ses torts, était un monsieur, dans le sens convenu et traditionnel du terme, dans le sens qui, chose curieuse, paraissait à ce moment même avoir une importance capitale aux yeux de Waythorne. Lui et Varric avaient les mêmes habitudes sociales, parlaient le même langage, comprenaient les mêmes allusions, mais l'autre. Malgré lui, Waythorne avait remarqué que l'autre possédait au cou un nœud tout fait, monté sur élastique. Pourquoi ce détail grotesque symboliserait-il l'individu ? Waythorne s'en voulait de cette remarque mesquine de sa part, mais ce détail de la cravate s'imposait à lui comme une clé qui lui ouvrait la porte sur le passé d'Alice. Il la voyait, Mrs. Haskett, assise dans le front parlor bourgeois, avec son meuble de peluche, son piano et une copie de Ben-Hur sur la table du milieu. Il se la figurait partant pour le théâtre avec Haskett, ou peut-être même à un Church Sociable. Elle, avec un grand chapeau à plumes, Haskett en redingote fripée et au cou le nœud tout fait monter sur élastique. Au retour, il les voyait s'arrêtant devant les magasins brillamment éclairés, ou s'attardant aux photographies des actrices en vogue à New York. Le dimanche après-midi, Haskett devait emmener sa femme se promener, en poussant devant lui la voiture laquée de l'enfant, et Waythorne se représentait les gens avec lesquels il devait flâner et causer. Il se figurait Alice, toujours jolie dans sa robe adroitement confectionnée d'après un journal de mode de New York, mais irritée contre son existence, regardant les autres femmes avec mépris, et se sentant faite pour une situation sociale toute différente. Ce qui le frappait surtout, c'était la manière dont elle s'y était prise pour dissimuler cette période de sa vie passée avec Haskett. Il lui semblait que toute sa personne, tous ses mouvements, toutes ses allusions, toutes ses paroles, fussent la négation voulue de cette phase de sa vie. Si elle avait nié avoir été la femme de Haskett, elle n'eût guère été plus convaincue de mensonge que par la dissimulation systématique de cette partie de son existence. Waythorne se leva, ne voulant pas s'arrêter à cette analyse cruelle. De quel droit se représentait-il Alice sous ce jour fantastique et la jugeait-il ensuite d'après cette image ? Elle avait vaguement parlé de son premier mariage. Elle s'était bornée à dire, et avec des réticences, que son union avait été malheureuse, que Haskett avait fauché ses jeunes illusions. Il était regrettable, pour la tranquillité d'esprit de Waythorne, que l'apparence inoffensive de Haskett fût venue éclairer d'un jour imprévu la nature de ses illusions. Un homme aime mieux s'imaginer que sa femme avait été martyrisée par son premier mari que de croire le contraire.